Chapitre 6e. Autre surprise. Si grande hâte qu'il put y mettre, une heure de l'après-midi avait sonné avant que ses devoirs de médecin permissent à M. Orridge de partir dans son Tilbury pour remplir la promesse qu'il venait de faire. Il pressa si bien son cheval, cependant, qu'en 20 minutes, au lieu de la demi-heure habituelle, il fut arrivé chez Mrs. Norbury. Le valet de pied, qui avait entendu l'allure précipitée du Tilbury, ouvrit la porte du vestibule au moment même où le cheval s'arrêtait devant le perron, et il accueillit le docteur par un sourire où se peignait je ne sais quelle satisfaction narquoise. « Eh bien, » dit M. Orridge, entrant à grand bruit sous le vestibule, « vous avez dû être un peu surpris hier soir de voir revenir si tôt la femme de charge. » « Il est certain, monsieur, que nous fûmes surpris de la voir revenir hier au soir, » répondit le valet. « Mais nous l'avons été bien autrement ce matin quand elle est repartie. »« Repartie ? Qu'entendez-vous par là ?»« Qu'elle s'en est allée, monsieur, et pas autre chose. »« Elle a planté là sa place et cherche maintenant fortune où elle peut. » Le valet, tout en répondant ainsi, souriait de plus belle. Et la femme de chambre, qui, descendant l'escalier au même moment, avait entendu son camarade, ne put s'empêcher de sourire aussi. Bien évidemment, Mrs. Joseph n'avait pas conquis les sympathies de la livrée. L'ébahissement où il était plongé empêcha M. Ridge d'ajouter une seule parole. Le valet, qu'il ne questionnait plus, ouvrit la porte de la salle à manger et le docteur y entra. Mrs. Norbury, assise près de la croisée, dans la rigide attitude du devoir qui s'accomplit, surveillait d'un œil inflexible son enfant malade aux prises avec une tasse de beef tea. « Avant que vous ouvriez la bouche, je sais déjà tout ce que vous allez dire, » s'écria la dame aux paroles sincères. « Mais avant tout, examinez la petite, et parlons de ce qui la concerne. Nous aborderons ensuite d'autres sujets. » L'enfant examiné, il fut constaté qu'elle se rétablissait à vue d'œil, et la bonne l'emporta pour aller la faire dormir un peu. Dès que la porte fut tombée derrière elle, Mrs. Norbury interpella le docteur, qu'elle arrêtait ainsi pour la seconde fois au moment où il allait prendre la parole. « Il faut maintenant, Monsieur Orridge, que je vous dise avant tout une chose. Je suis une femme éminemment équitable, et je n'ai nul sujet de me quereller avec vous. Vous êtes certainement cause que 3 personnes m'ont traité avec la plus rare insolence. Mais vous en êtes la cause innocente, partant, je ne vous blâme point. « Vraiment, je ne sais... » commença Monsieur Orridge. « Je ne sais véritablement pas, je vous assure, ce que je veux dire, » interrompit Mrs. Norbury. « Je vous l'aurai bientôt fait comprendre. N'est-ce pas à cause de vous que j'ai envoyé ma femme de charge soigner Mrs. Frankland ?»« Oui, madame, » répondit M. Orridge, qui ne pouvait se refuser à reconnaître une vérité si palpable. « Fort bien, » poursuivit Mrs. Norbury. « Pour l'y avoir envoyé, ainsi que je vous le disais tout à l'heure, je me vois en butte aux insolences de 3 personnes. Mrs. Frankland, par un impertinent caprice, prétend que ma femme de charge lui a fait peur. Monsieur Frankland, se pliant à cette fantaisie avec une impertinence non moins notable, me renvoie ma femme de charge comme un shilling de mauvais aloi. Et enfin, ce qui est le pire de tout, ma femme de charge elle-même, aussitôt qu'elle est de retour, m'insulte en face, m'insulte à ce point que je lui donne juste 12 heures pour quitter ma maison. Ne commencez pas encore votre plaidoyer. Je sais ce que vous pouvez dire. Je sais que vous n'êtes pour rien dans ce renvoi. Je ne vous en ai pas accusé. Tout le mal que vous l'avez fait innocemment. Je ne vous blâme pas, songez-y. Quoi que vous puissiez faire, Monsieur Ridge, songez que je ne vous blâme pas. « Je ne songeais pas le moins du monde à me défendre, » dit le docteur, « car je ne vois aucune raison pour cela. Mais vous m'étonnez, madame. Au-delà de toute expression, quand vous me dites que Mrs. Joseph s'est montrée incivile à votre égard. Incivile ? » s'écria Mrs. Norbury. « Que parlez-vous d'incivilité ? Ce n'est pas le mot dont il faut se servir. C'est impudence qu'il faut dire, une impudence audacieuse, une effronterie sans pareille. » Tout ce qu'on peut dire de charitable pour atténuer les torts de Mrs. Joseph, c'est qu'elle a perdu la tête. Par moi-même, je ne m'en étais pas aperçu, mais les domestiques, paraît-il, se moquaient d'elle pour ses frayeurs d'enfant dans l'obscurité. « Oui, monsieur, il paraît que s'il refusait d'allumer les lampes avant que le jour eût complètement disparu, la sotte courait dans sa chambre chercher une bougie. Jamais je ne m'étais préoccupé de ces niaiseries, comme vous pouvez bien le penser. Mais elles me sont revenues hier soir, lorsque je l'ai vue me regarder en face avec arrogance, et me contredire tout net dès les premières paroles que je lui adressais. C'est bien la dernière femme du monde que j'eusse cru capable de se conduire ainsi, répondit le docteur. À merveille. Maintenant écoutez ce qui arriva hier, après qu'elle fut revenue, dit Mrs. Norbury. Au moment de son arrivée, nous montions nous coucher. Naturellement, je fus étonné. Naturellement aussi, je la fis venir dans le salon pour qu'elle m'expliquât ce qui avait donné lieu à ce prompt retour. Rien là-dedans, ce me semble, que de très simple et allant de soi. Je remarquai bien que ses yeux étaient gonflés et rouges, ses regards singulièrement égarés et bizarres. Je ne disais rien, cependant, et j'attendais ses explications. Tout ce qu'elle jugea convenable de m'apprendre fut qu'une parole d'elle, dite sans mauvaise intention, ayant effrayé Mrs. Frankland, le mari l'avait immédiatement renvoyée. De prime abord et très naturellement, je ne crus pas ce qu'elle me disait, mais elle persista. Et à toutes mes questions répondit simplement qu'elle n'avait rien à ajouter. « Ainsi donc, lui dis-je alors, je dois croire qu'après m'être gêné pour me passer de vous, et lorsque vous vous êtes gêné vous-même pour entreprendre le métier de garde-malade, il faut que vous et moi recevions un affront, l'affront de vous voir renvoyé le jour même où vous entrez en fonction, parce qu'il plaît à Mrs. Frankland de s'abandonner à je ne sais quel absurde caprice. Je n'ai jamais accusé Mrs. Frankland d'un pareil caprice, me repartit aussitôt Mrs. Joseph. Et la voilà qui me regarde en face, avec une expression que jamais son regard n'avait eue depuis 5 ans que je la connais. Que veut dire ceci ? Lui demandai-je à mon tour, en ripostant à son regard, comme vous pouvez le penser. Êtes-vous à ce point dégradé que vous acceptiez comme un bon procédé le traitement qu'on vous a fait subir ? Je suis assez juste au moins, me répond Mrs. Joseph, prompte comme l'éclair, et dirigeant toujours sur moi ce même regard. Je suis assez juste pour ne point blâmer Mrs. Frankland. Ah, vraiment, c'est là votre façon de penser, lui dis-je. Eh bien, tout ce que j'ai à vous dire en ce cas, c'est que je ressens l'insulte autrement que vous, et que je considère la conduite de Mrs. Frankland comme celle d'une femme mal apprise, impertinente, fantasque et dénuée de toute sensibilité. Ici, docteur, Mrs. Joseph fit un pas vers moi. Je vous donne ma parole d'honneur qu'elle l'a fait, et me répliqua fort distinctement en autant de mots que j'en avais employés. Mrs. Frankland n'est ni mal apprise, ni impertinente, ni fantasque, ni dénuée de toute sensibilité. « Prétendez-vous me donner un démenti, Mrs. Joseph ? » lui demandai-je. « Je prétends, me répondit-elle, défendre Mrs. Frankland d'imputations qu'elle ne mérite pas. » Telles furent ses paroles, Monsieur Horridge. Sur mon honneur, je n'y change pas un mot. La figure du docteur exprimait à ce moment la surprise la plus complète. Mrs. Norbury, jetant sur lui un regard de calme supériorité, reprit en ces termes. « J'étais dans une colère noire. Je n'hésite pas à le confesser, Monsieur Horridge. Mais je me contenais de mon mieux. « Mrs. Joseph, lui dis-je, voilà un langage auquel je ne suis point habitué et que, très certainement, je ne m'attendais pas à trouver dans votre bouche. » « Pourquoi vous vous complaisez à défendre Mrs. Frankland de nous avoir traités toutes deux avec mépris ? Et pourquoi vous prétendez m'empêcher de ressentir ce mépris ? C'est ce que je ne comprends guère et me soucie peu de comprendre. Mais, je vous le dirai sans autre détour, j'entends et prétends que mes gens me parlent avec respect, depuis la femme de charge jusqu'aux laveuses de vaisselle. J'aurais déjà donné congé à tout autre domestique pour avoir tenu à mon égard une conduite semblable à la vôtre. Ici, elle voulut m'interrompre, mais je ne le souffris pas. « Non, lui dis-je, vous n'avez pas encore à prendre la parole. Il faut d'abord m'écouter. Tout autre domestique, je vous le répète, aurait été renvoyé à votre place dès demain matin, mais pour vous, je veux être plus que juste. Vous aurez tout ce qui est dû à 5 années de bon service chez moi. Je vous accorde toute la nuit pour entrer en possession de votre sang-froid et réfléchir sur ce qui s'est passé entre nous. Je n'attends de vous que demain matin les excuses auxquelles j'ai droit. Vous voyez, monsieur Orridge, que j'étais déterminé à être impartial et plein d'égards. En retour de tant de bonté, savez-vous ce que j'obtins ? Je veux bien, madame, dit-elle, vous faire à la minute même toutes sortes d'excuses pour vous avoir offensé. Mais demain, comme ce soir, il ne faut pas vous attendre à me voir rester muette si on accuse Mrs. Franklin d'avoir agi à mon égard ou à l'égard de qui que ce soit, contrairement à la bonté, à la civilité, aux convenances. Est-ce bien réfléchi ce que vous me dites là, Mrs. Joseph ? Demandai-je. C'est très sincère, madame, répondit-elle, et je suis fâché de ne pouvoir parler autrement. Ne vous mettez pas en peine, dis-je alors, car vous ne devez plus vous regarder comme de ma maison. Mon intendant aura ordre, dès demain matin, de vous payer vos gages du mois entier au lieu de l'indemnité ordinaire, et je vous prierai de déloger ensuite le plus tôt que cela pourra se faire sans vous gêner. Je partirai demain, madame, répondit-elle, mais sans déranger votre intendant. En tout respect et toute reconnaissance pour vos bontés passées, je vous demanderai la permission de ne pas toucher des gages que je n'ai pas gagnés. Là-dessus, une belle révérence, et la voilà partie. Voilà mot pour mot, monsieur Orridge, ce qui s'est passé entre nous. Expliquez, si vous le pouvez, la conduite de cette femme. Pour moi, je la déclare absolument incompréhensible, à moins de supposer qu'elle avait perdu la cervelle quand elle est rentrée ici hier au soir. Après ce qu'il venait d'entendre, le docteur commençait à penser que les soupçons de Mrs. Franklin sur le compte de la nouvelle garde n'étaient pas tout à fait aussi dénués de fondement qu'il avait pu le croire tout d'abord. Néanmoins, il s'abstint sagement de compliquer les choses en exprimant tout haut ses idées à ce sujet. Et après avoir répondu à Mrs. Norbury par quelques vagues formules de politesse, il essaya de calmer son ressentiment contre M. et Mrs. Franklin en l'assurant qu'il apportait les excuses du mari et de la femme pour tout ce que les circonstances avaient jeté d'irrégulier et d'irrespectueux, en apparence, dans leur conduite vis-à-vis d'elle. La dame offensée, cependant, n'accueillit point les avances propitiatoires. Debout et avec un geste de main tout à fait majestueux, « Je ne puis, monsieur Orridge, entendre de vous à ce sujet un mot de plus. Je ne puis accepter aucune excuse indirectement présentée. Si monsieur Franklin prend la peine de venir ici, et si Mrs. Franklin a l'extrême condescendance de m'écrire, je consentirai peut-être à oublier ce qui s'est passé. En tout autre cas, je me permettrai de ne rien changer à mes opinions actuelles, sur le compte de ce monsieur et de cette dame. N'ajoutez rien, je vous prie, et soyez assez bon pour m'excuser si je vous quitte. Il faut que j'aille voir à la nurserie comment va la petite. Je suis charmé que vous la trouviez en si bonne voie. Revenez, je vous prie, ou demain ou après-demain, si cela ne vous gêne pas trop. Bonjour, docteur. » À moitié diverti par l'originalité de sa cliente, à moitié blessé du ton un peu bref qu'elle avait cru pouvoir prendre vis-à-vis de lui, M. Orridge demeura pendant quelques minutes, seul dans la salle à manger, ne sachant trop ce qui lui restait à faire. Il se sentait maintenant presque aussi intéressé que Mrs. Franklin à percer le mystère qui entourait la conduite de Mrs. Joseph. Par-dessus tout, il ne lui convenait pas de revenir à la tête de tigre, simplement pour répéter ce que lui avait dit Mrs. Norbury, et sans pouvoir compléter son récit en informant M. et Mrs. Franklin de la route prise par la femme de charge au sortir de la maison qu'elle venait de quitter. Après quelques méditations, il résolut de questionner le valet de pied, sous prétexte de savoir si son Tilbury était à la porte. Cet homme, ayant répondu au coup de sonnette, assura que la voiture était prête, et M. Orridge, en traversant le vestibule, lui demanda négligemment s'il savait à quelle heure de la matinée Mrs. Joseph avait quitté la maison. « Vers 10 heures, monsieur, » répondit le domestique, « quand le voiturier est passé ici, se rendant à la station pour le train de 11 heures. » le voiturier. Ah, il aura pris ses bagages, dit Monsieur Orridge. Il l'a pardieu bien prise elle-même, repartit l'homme avec une grimace railleuse. Au moins une fois dans sa vie, il lui aura fallu voyager en carriole. En retournant à West Winston, le docteur ne manqua pas de faire halte à la station du chemin de fer, afin de se procurer quelques détails dont il put se faire honneur en arrivant à la tête de tigre. Justement, on n'attendait aucun train. Le chef de gare lisait son journal, et l'employé subalterne jardinait paisiblement sur le talus de la voie. « Le train de 11 heures du matin monte-t-il ou descend-il ? » demanda M. Orridge, s'adressant à cet homme. « Train descendant. A-t-il pris beaucoup de monde ?» L'employé donna les noms de quelques habitants de West Winston. « N'y avait-il en fait de voyageurs partant que des gens de la ville ? » demanda le docteur. « Si, monsieur, je crois qu'il y avait aussi une étrangère, une dame. « Est-ce le chef de station qui a délivré les billets pour ce train ?»« Oui, monsieur. » Monsieur Orridge se dirigea vers le chef de la station. « Vous rappelez-vous avoir ce matin, pour le train de 11 heures, donné un billet à une dame voyageant seule ?» Le chef de station réfléchit. « J'ai délivré des billets, pour la descente ou la montée, à une demi-douzaine de dames depuis ce matin, » répondit-il enfin sans trop de précision. « Oui, mais je ne parle que du train de 11 heures, » reprit M. Orridge. « Tâchez de vous rappeler. »« Me rappeler ? Attendez. »« Je me rappelle, en effet. »« Je sais qui vous voulez dire. » Une dame qui paraissait un peu agitée. Elle m'a posé une question peu ordinaire à cette station. Elle tenait son voile baissé, je m'en souviens. Et elle est arrivée ici pour le train de 11 heures. C'est Crouch, le voiturier, qui a déposé sa malle dans le bureau. C'est bien elle. Pour où a-t-elle pris son billet ? Pour Exeter. Vous disiez qu'elle vous a questionné. Oui. Elle m'a demandé quelle correspondance on trouvait à Exeter quand on voulait se rendre en Cornouailles. Je lui ai dit que nous n'avions pas ici un tableau exact des heures de départ, et je l'ai renvoyé, pour avoir des renseignements, aux gens du Devonshire, quand elle serait en voie d'arriver. Elle m'a semblé bien timide, bien embarrassée pour une femme qui se résigne à voyager seule. Est-ce qu'on l'a soupçonnée de quelque méfait, monsieur ? Oh, pas le moins du monde, dit M. Orridge, quittant le chef de gare et se hâtant de remonter en Tilbury. Lorsqu'elle fit halte, quelques moments plus tard, devant l'hôtel de la tête de tigre, et sauta lestement à terre, en homme bien certain d'avoir fait tout ce qu'on devait attendre de lui, il ne lui en coûtait plus d'aborder Mrs. Frankland avec la fâcheuse nouvelle du départ de Mrs. Joseph, maintenant qu'il pouvait y ajouter, à titre de renseignement supplémentaire, qu'elle était partie pour le Cornouailles.